65 fois par an. Regarde avec moi le chemin si long devant toi, moi loin, pas si longtemps. Serons-nous seulement assez malins pour ne pas remettre le futur à demain? Nos 8 ans, quand l'avenir était printemps, au grand jamais désespérant. Moi j'ai brûlé bien des années, au nom de quoi je demandais aujourd'hui.